Seigneur. Que tout ce que tu fais pour moi, que ton nom de génération en génération soit magnifié. Et que ton règne s'étende d'âge en âge. Alléluia.